à minuit pile, baby. Je te récupère à minuit pile, baby. On sera dans le club avant 2h du mat. J'ai 10 000 sur moi, j'ai plus de permis. Forcément, j'ai vite contrôle de star. Elle fait que twerker, se retourner, regarder où sont les bonhommes les plus blindés du carré. Elle veut Chanel et la Rollie au poignet. Elle veut Chanel et la Rollie au poignet. Tout vêtu de rose, elle ressemble à Nicki. En bikini, je t'explique pas, c'est un missile. Appelle les condés, ce soir je te kidnappe. J'ai payé l'hôtel avec le beef crack. Bourré au dompé, soirée à 1004. Je marque un doublé pendant la finale. Elle remplit son dîner, Mani voulait Gina. Elle est bonne, man, comme la cocaïna. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Et toi, sur la piste, je craque un salaire. Dans la brise, c'est du blissé. Demain c'est maintenant, il est bientôt 6 du matin. 6 du matin. Il y a 200 ans, on sera riche avant la fin. Avant la fin. Quand elle marche, ça s'allume comme dans Billy Jean. Pour l'avance des vodis, verre de whisky coca. Talon aigu, elle remplit parfaitement son jean. Pour la serrer, faut faire chauffer la Mastercard. Elle contrôle tous les réseaux, de toute façon y'a pas de raison de l'approcher si tu ne dépenses pas. Elle veut Rolex, pas la Casio, elle connaît le physio. Son boule, c'est l'effet d'un attentat. Elle est bonne sa mère, sur la vie de ma mère. 10 000 pour elle, c'est pas assez. Elle est bonne sa mère, sur la vie de ma mère. 20 000 pour elle, c'est pas assez. Je vais la cadenasser, elle est tellement bonne, je vais la fiancer. Oh, je vais la cadenasser, elle est tellement bonne, je vais la fiancer. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère.